couloirs, les bruits qui viennent de nulle part, qui viennent de nulle part. Des mots chantés, des appels, raison se perd, autre part se perd, autre part.